Les anciennes inhumations et par là même les toutes premières sépultures de l'humanité ont été mises au jour au Proche-Orient, notamment dans la grotte de Kafsé et de Skull, dans l'actuel Israël. On évoque alors souvent le cas de l'adolescent de Kafsé 11 dont une ramure de serre avait été déposée sur le thorax. Au cœur de l'Afrique, mais un peu plus tardif, Toto, petit enfant de 78 000 ans, a été quant à lui découvert dans la grotte de Pangaya Saidi, au Kenya. Hormis ces cas bien avérés, une course à la tombe est actuellement engagée. Ainsi, une grande partie de la communauté scientifique se gausse de l'annonce de Lee Berger qui vient de publier cette année la découverte de pratiques funéraires chez Homo naledi, fossile d'hominidé vieux de quelque 200 000 ans et mis au jour dans la grotte de Rising Star en Afrique du Sud. Depuis ces dates anciennes, l'humanité a inventé une très grande diversité de procédés funéraires allant de l'inhumation, l'incinération, le cannibalisme ou aux funérailles célestes des fameuses tours du silence zoroastriennes. Aujourd'hui, Carbone 14 prend le contre-pied de ce sujet en s'intéressant aux individus bannis de sépulture, pratique somme toute très particulière, mais qui semble exister depuis plusieurs millénaires. Pour évoquer ce thème de recherche, très peu étudié tant par les historiens que les anthropologues, deux chercheuses, Aurore Schmidt et Elisabeth Anstedt. Bonjour. Bonjour. Préhistorienne et directrice de recherche au CNRS dans le laboratoire archéologie des sociétés méditerranéennes, Aurore Schmidt, votre approche combine les données issues de maintes disciplines, dont l'anthropologie biologique, autour de l'archéologie de la mort. Anthropologue sociale, Elisabeth Anstedt, vous êtes vous aussi directrice de recherche au CNRS, mais vous intéressez au monde contemporain sur des terrains en Europe de l'Est, Russie, Biélorussie, Bosnie. Vous venez surtout, toutes deux, de diriger un ouvrage, Sans sépulture, modalités et enjeux de la privation de sépulture de la préhistoire à nos jours, paru à Oxford chez Archéopress. Aurore Schmidt, pourquoi ce sujet n'a-t-il fait l'objet que de peu d'études d'envergure en archéologie ? Eh bien, pour que les archéologues retrouvent des restes humains, il faut que ces restes humains soient conservés. Dans des grottes, par exemple, ou alors ensevelis, sous du sédiment. Donc ça peut être un ensevelissement anthropique ou naturel, qui garantit donc que les archéologues puissent le retrouver. Et ces traitements non funéraires, on en parlera peut-être tout à l'heure, laissent peu de traces matérielles, puisque les cadavres sont souvent laissés à l'air libre. Et donc ça laisse peu de chances aux archéologues de les découvrir. C'est donc un pan de recherche qui a été un peu laissé de côté parce que notre discipline, l'archéologie, repose sur la matérialité et que cette matérialité est là justement un problème. Elisabeth Anstedt, il en serait de même pour l'anthropologie sociale ? Tout à fait. Nous avons été lents à prendre en compte le fait que certaines dépouilles pouvaient intentionnellement ne pas faire l'objet d'un traitement funéraire. Les anthropologues sociaux se sont très longtemps focalisés sur ces rituels qui faisaient leur admiration, qui généraient une très grande curiosité de par leur variété et pour certains de leur magnificence. Le fait que le fait funéraire ait principalement été approché à partir de cette notion de rite de passage qui impliquait des rituels de séparation, des rituels de marge, des rituels d'agrégation qui font le miel de l'anthropologie sociale, a en quelque sorte laissé tout ce qui était effectué d'une façon différente dans une sorte d'ombre et de désintérêt. Et de ce point de vue-là, oui, les anthropologues sociaux ont été lents à réaliser, malgré les guerres qui nous offrent des exemples de trophéisation de cadavres, par exemple, malgré les contextes de violence de masse qui nous offrent l'exemple de des pratiques de disparition forcée, malgré ce que tout le champ de la nécropolitique s'intéresse aux usages politiques du cadavre, très souvent non funéraires, nous avons été lents à accepter de regarder ces pratiques singulières d'un œil perspicace. Alors, les historiens avaient recensé depuis l'Antiquité ces privations de funérailles et de sépultures. Tout à fait. Je dois le reconnaître. Les historiens ont souvent un coup d'avance. Et alors, en France, on a la très grande chance chance d'avoir une école historique, une école d'historiens qui travaillent sur la mort depuis Michel Vauvel. Et je voudrais rendre hommage. Ça fait 50 ans. Oui, tout à fait. On a une vraie tradition. Oui, on a une vraie tradition dont on ne mesure pas la qualité et l'intérêt. Et je voudrais notamment rendre hommage à notre collègue historienne Anne Carole qui vient de publier avec Isabelle Renaudet un ouvrage qui s'intitule « Ces morts qui dérogent » et qui s'interroge justement sur ces pratiques funéraires ou pas qui dérogent à la norme funéraire. Et c'est un ouvrage qui montre que, oui, les historiens s'emparent de ces questions avec la possibilité de travailler beaucoup plus de cas que nous n'en avons et la possibilité aussi de réfléchir sur la profondeur historique de ces pratiques. Alors, il y a aujourd'hui une sorte de, un nombre de chercheurs travaillant à la croisée de l'histoire et de l'archéologie. Je pense par exemple à Mathieu Vivas, avec qui j'avais fait une émission autour de Surveiller et punir, qui travaille donc sur les exécutions au Moyen-Âge et qui travaille tant sur le texte que sur les faits archéologiques. Ça, c'est très nouveau, non ? C'est nouveau et c'est aussi un révélateur puissant de l'intérêt qu'il y a à joindre nos disciplines pour regarder des objets ou des pratiques d'un regard neuf. Je pense que l'interdisciplinarité, c'est vraiment quelque chose qui nous a apporté énormément parce que quand elle est exercée avec humilité, il y a vraiment un bénéfice à accepter d'écouter ce que les autres nous disent, que nous n'avons pas vu ou pas compris. Pour preuve, deux disciplines sont présentes dans l'émission, l'archéologie et l'anthropologie culturelle, et puis aussi, bien sûr, biologique. Roche Schmidt, la situation n'a-t-elle pas quelque peu évolué sous l'impulsion de ce que l'on appelle l'archéothanatologie ? On rendra hommage à Henri Dudet, comme à d'autres. Tout à fait. Alors, ça aurait pu, et c'était une porte ouverte, en fait, que nous offraient Bruno Boulestin et Henri Dudet, en publiant donc en 2005 ce nouveau terme, archéothanatologie, qui remplaçait l'anthropologie de terrain et surtout l'anthropologie funéraire, qui ne laissait justement pas la place à ces traitements qui ne sont pas funéraires. Et l'archéothanatologie, ce terme avait donc vocation à ouvrir le champ et à intégrer donc tous les traitements qui ne montrent pas qu'il y a eu des funérailles ou des sépultures. Donc c'était déjà une porte voilà qui était grande ouverte, mais malgré tout, on a mis du temps nous les archéologues à s'emparer justement de cette problématique. Elisabeth Anstedt, il nous faut peut-être aussi réfléchir aux pratiques qui entourent le défunt. Dans de nombreuses sociétés, nous voici donc sur ce que l'on appelle des rites de passage. Alors, toute la question est de savoir si ce terme et cette notion à partir de laquelle on approche le traitement des dépouilles est toujours opportun. Ce que nous voyons sur certains de nos terrains, c'est que des dépouilles font l'objet d'un traitement complexe, mais que ce traitement, qui peut être ritualisé par ailleurs, ne renvoie pas nécessairement à un rite de passage. Il peut renvoyer ce traitement à des rites propitiatoires, expiatoires, à d'autres registres rituels que celui du rite de passage. En tout cas, les rites funéraires sont toujours, de par le monde, rythmés par une sorte de schéma en trois temps, avec donc une séparation, etc. Oui, ce qui permet aussi de chercher des invariants et d'essayer de trouver des clés de lecture quand on a affaire à des gestes complexes qui s'élaborent sur une chronologie très longue ou dans des espaces différents. Donc cette armature théorique que nous a offert Van Genep offre effectivement un cadre heuristique fécond. Pour autant, elle nous bloque aussi, elle nous paralyse parce qu'elle nous oblige à regarder à partir de ce cadre alors même que certains gestes échappent et appellent des cadres théoriques nouveaux pour comprendre pleinement ce qui leur est arrivé à ces défunts. Ce que Van Genep met en place, c'est donc un schéma en trois temps avec rite de séparation, rite de marge et rite d'agrégation, c'est ça ? Tout à fait. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que certaines des modalités de traitement des dépouilles, ça ne rentre pas dans ces cases. c'est là où nos questionnements d'archéologues et nos questionnements d'anthropologues doivent rester ouverts, c'est que voilà, le réel excède, la richesse de ce réel que nous donnent les archives du sol et que nous donne l'observation des sociétés contemporaines nous oblige à accepter de regarder ces pratiques qui ne sont pas funéraires. Aurore Schmitt, les archéologues ont aussi beaucoup réfléchi à la notion de sépulture. Cette notion de sépulture, elle fait souvent débat lors de colloques, on revient dessus, on n'en est pas tout à fait satisfait, même quand il y a des propositions qui s'en sont faites. Mais effectivement, c'est un terme très important pour nous, donc je rappelle justement que c'est un terme interprétatif, qu'il faut démontrer qu'il y a eu une sépulture à partir de faits, et qu'un individu dans un trou, pour le dire simplement, n'est pas forcément une sépulture. Donc une sépulture, pour un archéologue, c'est un lieu de dépôt définitif, en tout cas pour les personnes qui officient et qui déposent le défunt, et qui a pour vocation aussi d'honorer, tout comme les funérailles, le défunt. Donc c'est notre objectif à nous, archéologues, c'est justement d'essayer de prouver qu'il y a eu des gestes qui ont honoré le défunt. À vous écouter, je comprends qu'il y a sépulture que dans le cadre d'un rite funéraire. La privation de sépulture veut donc dire privation de funérailles ? Oui, si un individu, un défunt, est privé de funérailles, il ne bénéficie pas non plus de sépulture. Elisabeth Anstead, vous n'opinez pas, voilà, visiblement. Non, je pense qu'il faut se laisser la possibilité de poser la question et de regarder dans chaque contexte, pour chaque cas, si un ensevelissement doit être considéré comme une sépulture, quand bien même il n'y aurait pas eu de rite funéraire et de funérailles, ou bien si cet ensevelissement correspond à un traitement intentionnellement non funéraire. Et c'est toute la difficulté à laquelle sont confrontés les archéologues quand les archives du sol sont maigres, mais aussi toute la difficulté auxquelles peuvent être confrontés des historiens lorsque l'archive est muette ou qu'elle parle peu ou que son propos est déplacé. Et c'est aussi tout l'intérêt d'accepter de regarder que ces situations peuvent être beaucoup plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Alors, deux catégories d'individus s'opposent. Ceux que l'on ne veut pas enterrer et bien sûr ceux que l'on ne peut pas enterrer. Les deux catégories sont bien sûr très différentes. Évoquons la seconde avec, par exemple, les disparus en mer. Elisabeth Anstead. Oui, ces disparus, en fait, ils occupent une place singulière dans le traitement des défunts parce que leur corps n'est pas là. Donc il y a déjà un problème matériel parce que les rituels funéraires ne sont pas toujours prévus pour avoir lieu en l'absence de la dépouille. Donc il y a déjà... Il y a le cénotaphe quand même. Alors pas dans toutes les sociétés et le cénotaphe n'est qu'un substitut du contenant. Ça ne prive pas la société d'avoir à trouver une solution pour l'absence du contenu. Et cette disparition en mer, elle jette toujours le doute sur les causes de cette disparition. Et elle renvoie aussi aux situations de malmort que sont les suicides, c'est-à-dire qu'on a à la fois la situation problématique de l'absence de dépouille et à la fois la situation problématique d'avoir à décider sur les causes du décès. Ce qui oblige les sociétés à tricoter une réponse rituelle, une réponse funéraire qui peut avoir lieu ou pas en fonction de l'instant, du moment, du contexte politique, du contexte matériel aussi, de la richesse, de la capacité des sociétés à s'investir dans une production rituelle alternative et la capacité aussi des sociétés à inventer. Des disparus en mer, l'archéologie en retrouve sur les côtes, notamment sur les côtes atlantiques. C'est assez étonnant. Il y a un beau cas récemment dans l'archipel des Glénans, dans le Finistère. Qui n'a pas accès volontairement à la tombe ? Volontairement, alors ça pose toute la question du traitement des logiques de ségrégation qui peuvent être à l'œuvre dans les pratiques funéraires. Donc le fait que ces pratiques funéraires elles peuvent avoir lieu ou pas de façon en routine, c'est-à-dire ce n'est pas une sanction, ce ne sont pas des logiques de stigmatisation d'un individu ou d'un groupe, mais bien des logiques de ségrégation. Les enfants n'auront jamais de funérailles, les esclaves n'auront jamais de funérailles. Donc on est aussi amené à s'interroger sur l'organisation des sociétés. Les esclaves dans la Rome antique. dans différents contextes où on considère que le fait d'appartenir à cette catégorie de population vous dispense ou ne permet pas que la société intervienne rituellement. Il y a aussi le cas des individus dangereux. Tout à fait. Les déviants, entre guillemets. Les déviants, les criminels, ceux qui ont été punis. Mais dans ces cas-là, on revient à des logiques de stigmatisation où on punit un individu pour ce qu'il a fait ou ce qu'il a été en tant que, pour sa trajectoire de vie. Vers les condamnés à mort en France, quel était leur sort? Ah, bah, très longtemps. Une question. Je vois, il faut de que vous inviter, générale. Il faut que vous invitiez Anne-Carole qui peut vous en parler très longuement, très longtemps. Ils ont été. Ils avaient pas de funérailles. Voilà, privés de funérailles et leur dépouille était ensevelie dans des espaces particuliers qui pouvaient être situés à l'intérieur des espaces carcéraux ou à l'extérieur, mais à aucun moment il n'était question de traitement funéraire. Dans cet étrange sujet, évoquons les malmorts. La malmort est une rupture de l'ordre des choses? Rupture certaine, parfois fortuite, mais parfois aussi tout à fait intégrée dans des ordres funéraires. Et je pense que archéologiquement, ce sont aussi des cas qui sont très difficiles à lire, à moins qu'il y ait en parallèle avec les archives du sol des archives textuelles. Ces questions de malmort, elles posent question à l'archéologie. Il y a une archéologie de la malmort à produire qui reste à faire. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Cette malmort, elle peut justement entraîner l'absence de funérailles et de tombes? Oui, elle peut et l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Ce qui est intéressant, et c'est aussi là où nos recherches d'anthropologues sociaux rejoignent celles des archéologues, c'est que pour un même contexte, on peut avoir une variété de cas, une variété de situations, et on est obligé d'accepter le fait qu'une même société peut choisir de faire d'une certaine façon un endroit et d'une autre un autre, ou à très courte distance dans le temps. À la rupture de l'ordre des choses est souvent violente. Pour mémoire, dans l'Antiquité romaine, un foudroyé ne pouvait avoir de sépulture. En revanche, la foudre était inhumée, du moins les objets qu'elle avait touchés. C'est le cas, par exemple, à Pompéi, on en a fait une émission récemment, où l'on fouillait la tombe de la foudre. C'est quand même très particulier. Vous parlez de déchets, même de déchétisation. Le mot est très fort. Je pense que c'est important d'aborder cet aspect lorsqu'on parle de traitement non funéraire. Au néolithique, en tout cas, sur les sites sur lesquels je travaille, il n'est pas rare de trouver des individus qui sont associés à des rejets détritiques. Et dans ce cas-là, on peut quand même poser l'hypothèse que l'individu est lui aussi considéré comme un déchet. Ce sont des choses évidemment qui doivent être étayées, discutées, mais cette déchétisation effectivement du corps me semble quelque chose qu'on doit aborder en archéologie. Vous acceptez le mot, Elisabeth? Oui, ça nous a amené avec Aurore à commettre, il y a 2 ans, un ouvrage intitulé « Des cadavres dans nos poubelles ». C'est cette question de la disqualification des corps et de leur déchétisation, elle nous occupe très sérieusement, parce qu'on considère effectivement que certains exemples auxquels nous sommes confrontés nous montrent qu'il y a déchétisation. Remontons le temps et partons au néolithique. Il nous faut alors aller dans le Var, dans une grotte fouillée par Jean Courtin, la Baume des Fombrégois à Salerne. Aurore Schmitt, vous connaissez le sujet par cœur? Je ne le connais pas par cœur, mais je le connais assez bien parce que c'est une région dans laquelle je travaille. Et puis effectivement, c'est un site qui est très très important puisque ont été découverts sur ce site 3 fosses contenant des individus qui avaient visiblement, enfin la démonstration en a été faite à l'époque par Paola Villa avec une publication en 85 et en 1986. C'était très très novateur à l'époque. Donc Paola Villa a démontré que ces individus avaient subi le même traitement que les animaux. Et elle avançait donc cette hypothèse du cannibalisme. Donc ils ont été découpés selon les manières dont on découpe la viande chez les animaux, c'est absolument bien ça? Et c'est une manière justement pour les archéologues de pouvoir montrer qu'il y a eu une consommation des chairs. Donc il n'y avait pas dans cette grotte uniquement des restes humains, hein, dans des fosses ou des dépressions naturelles, il y a aussi énormément d'animaux. Les vestiges humains et la faune n'ont pas été découverts dans les mêmes concentrations, les mêmes fosses. Et le statut en fait de cette grotte est discuté. Hein. Est-ce que c'est justement un endroit où on pratique la boucherie pour emmener dans les habitats que la viande, ou est-ce que c'est un habitat saisonnier? Donc déjà la question se pose du statut du site. Et puis évidemment avec ce cannibalisme, une fois qu'on a montré qu'il y avait eu consommation de la chair, la question se pose, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'un endocannibalisme? Ce qui signifie qu'en fait, le défunt va être mangé par sa communauté, en tout cas une partie de sa communauté, et c'est un cannibalisme qui est un traitement funéraire. Ce sont des funérailles. Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'un exocannibalisme, qui signifie qu'en fait, on mange quelqu'un qui est extérieur à sa communauté. L'ennemi. Qui pourrait être un ennemi. Et c'est pas du tout la même chose, parce que si on a affaire à un exocannibalisme, ça veut dire que l'individu qui est mangé, et qui est donc jeté dans une fosse, ne peut pas bénéficier de funérailles ni de sépultures par sa communauté à lui. Donc c'est quelque chose de très important. Donc pour la bombe de Fontbrégeois, il sera nécessaire de reprendre toutes les données, qu'elles soient anthropologiques, archéologiques ou avec de nouvelles analyses. De faire des analyses isotopiques, par exemple ? Oui, tout à fait. Il y en a déjà eu, mais on peut aussi faire des analyses supplémentaires, aussi du radiocarbone, pour être bien sûr que ce soit... Aussi. Voilà, je pense que c'est un dossier à reprendre, parce qu'il est, c'est un site très important. Il n'y a pas tant de sites qui ont livré des restes sûrs de cannibalisme pour le néolithique, même s'il y en a. Donc c'est un dossier qu'il faudrait reprendre. Et il mangeait tout le monde. Alors, ça peut aider, effectivement, de savoir qui est mangé, ça peut aider. Si on mange les enfants, les hommes et les femmes, on peut se demander si c'est pas plutôt funéraire. Si on mange que les hommes, c'est peut-être plutôt des ennemis qu'on mange. Mais c'est, il faut en débattre au cas par cas. Alors, il existe un autre cas, Erxheim, en Allemagne. Il serait le seul site néolithique dont l'étude montre clairement qu'il s'agit d'un exocannibalisme. Oui, c'est un site qui a bénéficié d'études très approfondies, que ce soit anthropologiquement parlant, aussi au niveau du mobilier qui a été retrouvé, de la céramique. Il y a eu des analyses isotopiques. Et l'hypothèse qui est mise, c'est qu'il s'agit effectivement de razzia, de gens qui ont été mis à mort et qui ont été mangés. Il s'agirait d'exocannibalisme. Vous pourriez nous décrire le site? C'est un site assez étonnant où il y a eu visiblement des massacres. Alors, très ce sont un phénomène de guerre. Ces individus ont été retrouvés dans des pseudo-fossés, donc ce ne sont pas des fossés défensifs, hein. Ce sont plutôt des fossés qui délimitent des territoires. Effectivement, il y a plusieurs centaines d'individus. Et ce qui est intéressant pour ce site, c'est que la céramique a permis de montrer que ces centaines d'individus avaient été consommés, mangés sur quelques décennies seulement, et les analyses isotopiques, que c'était des individus qui n'étaient pas des locaux. Alors après, les interprétations de la guerre, etc. Bon, ça, voilà, je laisse ça aux spécialistes d'en débattre. Mais en tout cas, c'est de l'exocannibalisme. Qu'en est-il des corps découverts dans des fosses domestiques qui ont été jetés et sont donc dans des positions parfois invraisemblables? Il s'agit-il de sépultures ou tout simplement de poubelles? Eh ben, je dirais les deux, mon capitaine. Mais oui. Je dirais les deux, mon capitaine. Alors, c'est un. Oui, c'est parce qu'il y a la question du déchet du rituel. Et il y a aussi ça. C'est-à-dire que, donc, pour remettre un peu le contexte sur ces fosses circulaires qui sont en général des fosses de stockage, donc des silos désaffectés qui ne servent plus et qui sont utilisés pour soit déposer des morts, mais qui vont être vraiment déposés avec soin, notamment dans le sud-est de la France, puisque c'est la région que je maîtrise le mieux, donc ils vont être déposés sur le côté gauche, ce qui est la position, on va dire, conventionnelle pour la période et pour la région. Donc ces individus, on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agit d'une sépulture, qu'il y a un soin, un honneur donné aux défunts. En revanche, il y a des individus qui sont, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans des positions abracadabrantes, effectivement, qui semblent avoir été jetés ou glissés du haut d'un silo, et qui se retrouvent sur des poubelles ou sous des poubelles. Donc dans ces cas-là, moi j'ai beaucoup de mal à émettre l'hypothèse qu'il s'agit d'une sépulture. Il n'y a pas de soins donnés aux défunts. Donc je dirais qu'effectivement, ce sont des déchets. Il faut se débarrasser. Et donc vous avez un trou qui a un volume énorme, voilà, qui est abandonné. Bah, c'est très simple de mettre un mort dedans pour s'en débarrasser, parce que cet individu est soit privé de funérailles, soit il n'y a de toute façon pas droit de par son statut social. Aurore Schmidt, Elisabeth Anstedt, peut-il s'agir aussi de tombes dont les pratiques funéraires nous échapperaient, ou d'individus n'ayant pas le statut social leur permettant de bénéficier d'une sépulture? Tout à fait. Je pense qu'il faut, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, accepter que les sociétés sont très créatives et que nous n'avons pas pensé tous les possibles. Il faut aussi envisager le fait que, quand bien même la dépouille serve de support à des pratiques ou des rituels funéraires, une fois le rituel achevé, on pourrait se débarrasser de la dépouille. Donc il y aurait eu à la fois des funérailles, à la fois éventuellement une sépulture pour une partie de la dépouille, mais le reste pourrait être jeté sans que cela ne corresponde à la stigmatisation ou à une punition infligée aux défunts. Et d'ailleurs, vous avez des exemples contemporains, puisque vous êtes anthropologue social, vous travaillez en Russie, en Bosnie. Alors, malheureusement, oui, trop nombreux. Le fait que la guerre conduise aussi des groupes sociaux à infliger des formes de vengeance aux morts, pas seulement que cette violence ne s'exerce pas seulement sur les vivants, mais qu'elle s'exerce aussi sur les défunts, ça amène, ça nous amène, nous, anthropologues sociaux du contemporain, à voir ces cas en œuvre. Ce qu'on appelle le l'overkilling, c'est ça ? L'outrepassage de la mort. C'est-à-dire on que... On en a un cas dans le néolithique alsacien. Oui, d'une forme d'acharnement et puis l'intention de rendre les funérailles impossibles en portant atteinte à l'intégrité du cadavre. Elisabeth Anstedt, les éclairages de l'ethnographie sont majeurs. Christian Jeunesse décrit dans votre livre les rites des communautés animistes des îles indonésiennes et notamment la création d'un mégalithe, un dolmen pour un individu. Vous pourriez nous résumer l'histoire ? Ce qui est très intéressant, c'est que voilà, c'est un individu qui a commis des fautes, des crimes, et donc il va être privé en première instance de funérailles. Il va être placé dans un espace de réserve, et la société va mettre plusieurs dizaines d'années à fabriquer une solution rituelle qui va venir compenser ses péchés ou ses fautes, en quelque sorte. Ce en quoi cet exemple est absolument fondamental pour la compréhension de ces pratiques non funéraires, de ces privations de funérailles, c'est l'idée que ces privations de funérailles, elles peuvent être temporaires, elles peuvent être réversibles et qu'elles peuvent donner lieu à une forme de réparation. Aurore Schmitt, Elisabeth Anstedt, merci beaucoup. En conclusion, nous pourrions dire que nous savons encore peu de choses sur ce qui conduit une société à priver intentionnellement un individu de traitement funéraire. Pour moi toutefois, c'est sous un nouveau jour que s'éclaire le reportage diffusé voici quelques temps et intitulé « Le mystère du puits sanglant d'Entrain sur Nohain ». La cinquantaine d'individus jetés dans ce puits antique n'avaient clairement pas le droit à une sépulture eu égard leur triste statut social. Carbone 14 était réalisé par Félicie Faugère, à la technique Ludovic Auger, bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.